À l'instant où l'insurrection, surgissant du choc du peuple et de la troupe devant l'arsenal, détermina un mouvement d'avant en arrière de la multitude. Ce fut un effrayant reflux. En ce moment, un enfant dégueuillé, qui descendait par la rue Ménilmontant, avisa, dans la devanture de boutique d'une marchande de bric-à-brac, un vieux pistolet d'arçon. « Mère, je vous en prends de votre machin !» C'était le petit Gavroche, qui s'en allait en guerre. Peu avant d'aller aider son père à s'évader, Gavroche avait recueilli deux gamins, 7 ans et 5 ans, et les avait logés dans la carcasse d'un éléphant construit près de la Bastille. Gavroche ne se doutait pas que lorsqu'il avait offert à deux mioches l'hospitalité de son éléphant, c'était, pour ses propres frères, qu'il avait fait office de providence. Ses frères, le soir, son père, le matin. En les quittant, il leur avait donné rendez-vous pour le soir au même endroit. Les deux enfants, ramassés par quelques sergents de ville et mis au dépôt, ou volés par quelques saltimbanques, ou simplement égarés dans l'immense casse-tête chinois parisien, n'étaient pas revenus. Cependant, Gavroche, au marché Saint-Jean, dont le poste était déjà désarmé, venait d'opérer sa jonction avec une bande conduite par Enjolras. La bande grossissait à chaque instant. Vers la rue des Billettes, un homme de haute taille, grisonnant, dont Enjolras et ses amis, dont Courfeyrac, remarquèrent la mine rude et hardie, mais qu'aucun d'eux ne connaissait, se joignit à eux. Et Éponine, déguisée en garçon, à la recherche de Marius, s'y joignit aussi. Puis, sur un signe de Courfeyrac, l'attroupement se précipita rue de la Chanvrerie, qui donne sur la rue Saint-Denis. Les bourgeois proféquants qui s'attardaient encore à ce moment de l'émeute dans la rue Saint-Denis jetaient un coup d'œil rue de la Chanvrerie, apercevaient la barricade et doublaient le pas. Les barricades bâties, les postes assignés, les fusils chargés et les drapeaux arborés, les insurgés, isolés, déterminés, tranquilles, attendirent. La rue et la barricade restaient plongées dans l'obscurité et l'on ne voyait rien que le drapeau rouge, formidablement éclairé, comme par une énorme lanterne sourde. Cette lumière ajoutait à l'écarlate du drapeau je ne sais quel pourpre terrible. Enjolras se sentit pris de cette impatience qui saisit les âmes fortes au seuil des événements redoutables. Il alla trouver Gavroche qui s'était mis à fabriquer des cartouches dans une salle basse du cabaret établi à cet endroit. Gavroche, en ce moment, était fort préoccupé, non pas précisément de ses cartouches. L'homme de la rue des Billettes venait d'entrer dans la salle basse et était allé s'asseoir à la table le moins éclairée. Il lui était échu un fusil de munitions, grand modèle, qui tenait entre ses jambes. Lorsqu'il entra, Gavroche le suivit machinalement des yeux, admirant son fusil. Puis, brusquement, quand l'homme fut assis, le gamin se leva et s'approcha de ce personnage pensif. Enjolras l'aborda. « Tu es petit, dit Enjolras, on ne te verra pas. Sors des barricades, glisse-toi le long des maisons, va un peu partout par les rues et reviens me dire ce qui se passe. » Gavroche se haussa sur ses hanches et, levant la tête et baissant la voix, ajouta, en désignant l'homme de la rue des Billettes. « Voyez bien ce grand-là ? Eh bien, c'est un mouchoir, un mouchard. Tu es sûr ? Il n'y a pas 15 jours qu'il m'a enlevé par l'oreille de la cornue du pont royal où je prenais l'air. » Alors, Enjolras s'approcha de l'homme et lui demanda, « Qui êtes-vous ? Vous êtes mouchard ? Je suis agent de l'autorité. Vous vous appelez ? Javert. » Enjolras fit signe à 4 hommes. En un clin d'œil, avant que Javert eût le temps de se retourner, il fut colloté, terrassé, garrotté, fouillé. On trouva sur lui une petite carte, avec cette mention. Javert, inspecteur de police, âgé de 52 ans. Le fouillage terminé, on redressa Javert, on lui noua les bras derrière le dos et on l'attacha au milieu de la salle basse à un poteau. « Vous serez fusillé 2 minutes avant que la barricade soit prise, » lui dit Enjolras. Javert répliqua de son accent le plus impérieux. « Pourquoi pas tout de suite ? Nous ménageons la poudre. Alors, finissez-en d'un coup de couteau. » « Mouchard, » dit le bel Enjolras, « nous sommes des juges et non des assassins. » Puis il appela Gavroche. « Toi, va à ton affaire, fais ce que je t'ai dit. »« J'y vas !» cria Gavroche. Et s'arrêta au moment de partir. « À propos, vous me donnerez son fusil ?» Il ajouta, « Je vous laisse le musicien, mais je veux la clarinette. » Le gamin fit le salut militaire et franchit gaiement la coupure de la grande barricade.